Encore une soirée sous whisky, pardon bébé, je vais coucher tard. Dans le décor ça fait tâche, mais un chétan à chaque étage. Je sais que ça coince à chaque étape, petit crois-moi que la route est longue. Moi, j'ai bouffé mes doigts, à l'heure où t'as pas goûté l'ongle. Toi, je voulais bouffer le monde, mais on m'a pété à mes couverts. Pensez qu'à lâcher bombe, y'a pas que nos comptes à découvert. Tendance à décoller, planer pour prendre le large. Oubliez ce qui nous peine, tout va trop vite, on prend de l'âge. Et ça fait clic, clac, l'aiguille nous tuera tous. Remballe, des flics flac devant le très haut, tu diras tous. Ça taffe dur, ça charbonne, ça claque sur la frappe sonne. Bluff baisse des putes, c'est belles, c'est putes qui klaxonnent. Le mal qui t'arponne et ce bâtard ne part pas. Que Dieu nous pardonne, ici le vice est palpable. Les vrais ne parlent pas, les charbonneurs n'ont pas le bac. Cristalline, la petite, car tout commence au bac, quack. Wesh pilon, bien ou quoi, qu'est-ce que tu deviens vieux? Rien ne bouge, j'ai toujours pas trouvé le sourire qui me va le mieux. On passe du pyjama au bleu de travail, voulant des écus. Les rêves se payent en espoir au pays des pompes de sécu. Petit ça joue au foot, le but, mettre des buts, hein, vieux. Aujourd'hui ils veulent des putes, être la putain de bœuf. Ouais ça me bute, hein, y'a que des Kenza Farah. Moi les cheveux longs, ça me zaève, des salopes sorties de Zara. Bref, tout part en couille, on perd la boule, on est débiles. On fait des pactes avec des putes, on fume des clopes avec des piles. Fais gaffe, tu parles à qui? Je pense fracture à l'appui. Les fils de pute te pissent dessus pour te bicraver un parapluie. Y'en a qui parlent, qui pèsent, qui butent ou bien qui se débinent. D'autres qui baissent, font les putes et sucent des bites. J'débite dès que j'débarque, mais j'ai pas tout ce qui paye moi. J'écris, j'gratte ce qui marque, j'leur balance tout ce qui pète moi. Me dis pas continue, vrai, ça donne envie de stopper, tous dopés. On vient pour casser ta soirée, tous au pétasse. Fais pas la princesse, pareil que t'es jolie. Sous le fond de taille, y'a de l'herpès, tu te fais ken par des Tommy. Moi j'l'ai trop, ma, c'est promis. J'passe pas la pommade, ça freestyle, ça veut des coms, d'accord. Tu rappes trop mal derrière le chrome, man. Ce pilon qui donne des coups, Red Bull donne des ailes et internet donne des couilles. J'compte bien en découdre, ici ça pose et ça dégage. Ça aime le spliff et la bécane, ça part en vrille quand ça dégaze. Mate un peu les dégâts, trop de pansements et peu de repères. Étrange, non, devenir le père de son propre père. Ça fait des plans, ça bricole, ça pleure ou ça rigole. Foiré depuis le départ, on sait plus rien faire sans picole. Ça picote, écoute un peu, ça pose et casse des caissons. Un couplet, coup de pression, normal tu te poses des questions. C'est comme ça, pas prêt de faire de la salsa. Mais ça, balance du sale, paraît que c'est ma cam. Ça rame ça, fia inek, garde une la poisse compte. J'crame ma paye à la pompe et j'm'arrache dans la seconde. Qui t'a dit qu'on plaisanterait? Les frères se bouffent entre eux quand les étoiles se pèsent entre elles. Moi, je le pèse d'entrée, il a bien grandi sans goten. Ça se bute, whisky coque, pas de pétasse sans gluten. Soirée pompe funèbre, j'ai vu se remplir des cendriers. Un bisou, un front gelé, y'a des cendres dans le sablier. Tu sais, ce qui fait grandir, c'est les soucis, c'est pas la soupe. Prêt à tout pour me casser, qui t'a cani dans la soute.